vivre et prendre le temps de s'asseoir sur le trottoir d'à côté. Les 2, 3 et 4 septembre, intimefestival.be. Avec le soir, BTV, Moustique et Canal C. La première. Il est 11h. Marie Bourguignon pour vous informer. Bonjour à tous. La justice allemande demande à enquêter sur la mort de 6 Belges, des Belges qui ont tous été des patients de Klaus Roos, l'homme qui s'est autoproclamé guérisseur du cancer. L'enquête doit déterminer si le décès de ces Belges est lié au traitement que ce docteur a administré. L'homme aurait utilisé des médicaments qui étaient encore en phase expérimentale. Son centre a été fermé. La justice le soupçonne d'être responsable de la mort de 69 personnes. Le nombre de détenus est au plus bas en Belgique. Le 11 août dernier, notre pays comptait un peu moins de 10 300 détenus, un chiffre qui n'a jamais été aussi bas depuis 6 ans. Le ministre de la Justice Koungen s'explique que cette tendance à la baisse par 3 raisons, l'ouverture de centres psychiatriques, les expulsions des criminels en séjour illégal, mais aussi l'augmentation du nombre de bracelets électroniques. En mai dernier, suite à la grève des gardiens de prison, Koungen avait promis de passer sous la barre des 10 000 détenus. Christine Defraigne souhaite que le Sénat s'empare du débat sur le burkini. La présidente du Sénat estime que c'est à la chambre haute du Parlement de prendre ce débat à bras-le-corps. Le burkini est la négation de la liberté de la femme, c'est ce qu'elle a déclaré dans La Libre Belgique ce matin. Elle dit refuser dès lors de faire une polémique via des slogans et des lieux communs. Elle estime que le Sénat est l'assemblée la plus appropriée pour en discuter. Les pompiers luttent toujours contre les incendies en Californie, aux États-Unis, de violents incendies qui ont déjà contraint 80 000 personnes à fuir leur maison. Près de 15 000 hectares de forêt ont été ravagés. Nombreuses habitations ont été détruites. Le brasier continue à menacer plus de 30 000 logements et autres structures. Aux Jeux Olympiques de Rio, la Belgique espère une 7e médaille belge ce soir. Les Belgian Tornados sont en finale du relais 4x400 mètres. Les relayeurs sont arrivés à la 3e place du classement après les séries. Plus tôt dans la journée, d'autres Belges à suivre aussi en golf, triathlon et en VTT. En football ce soir, Bruges se déplace à Courtrai à 18h. Moucron rencontre Saint-Tron à 20h. Merci de nous écouter. Très belle matinée. Toute l'info est sur rtbf.be. La première. Comment bien manger ? Quand on n'a pas de verger. Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges ? Super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines claudes bien sucrées. Et les présidents ? Idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On sort de l'eau, on prend sa serviette et on la tient bien fermement. Et on la laisse flotter au vent. Et hop, on la secoue. Allez, bien souple les poignets, il reste du sable. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Le samedi 20 août, ne manquez pas la nuit de feu au château des Lessines, le plus grand feu d'artifice de Belgique. Une heure de spectacle magistral, fait d'artifice, d'opéra et de lumière. Entrée gratuite pour toute la famille. Pensez à réserver votre parking et votre pique-nique sur 070.be. Avec la Loterie Nationale, la province du Brabant Wallon, l'EF, la 2 et la première. Où est Lemens? Moi, j'ai aucune confiance dans ces saucisses. Ah bon? Elles ont quand même l'air bonnes. Ouais, non, elles cachent quelque chose, mais je... Enfin... Écoute, pour les faire parler, je vais les mettre sur le grill. Ah oui! J'ouvre déjà la sauce samouraï. Oui! La samouraï qui fait parler d'elle, la voilà! De vos Lemens. À table! La rentrée scolaire avec le soir. Français, maths, sciences, histoire, géo. Le soir propose 4 rendez-vous destinés aux jeunes lecteurs qui rentrent en secondaire et souhaitent remettre à jour leurs connaissances. Chaque jour, 2 pages d'exercice avec leurs correctifs pour bien réviser. En route vers le secondaire, du 22 au 25 août, avec le soir. Mmh. La première, 11h midi, le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mouls. Samedi 20 août, bonjour à tous, c'est encore les vacances et leur place à la gourmandise et au plaisir des papis. Bonjour Carlo. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est bien pendant les vacances, hein, mais Carlo. Oui, on travaille, mais on travaille en mode relax. Ah oui, que de la gourmandise, je viens de le dire. Aujourd'hui, Carlo, nous allons nous intéresser à la reine de la saison, la tomate. Enfin. La belle saison, c'est maintenant, alors on va en profiter des tomates avec du goût, cultivées dans de la terre par des maraîchers passionnés. Aujourd'hui, nous allons tenter de lever le voile sur ces belles charnues pour nous accompagner. On parle de belles charnues ? Oui, oui, souvent. Enfin, moi j'aime bien. Oui, moi aussi. Pour nous accompagner ce matin, un grand spécialiste, Étienne Duquesne. Bonjour Étienne. Bonjour. On vous retrouve à la ferme Nopilif et vous êtes l'organisateur d'un festival de la tomate qui se tiendra le week-end prochain. Votre truc à vous, c'est de les cultiver avec amour et passion et leur parler aussi, n'est-ce pas? Ah, on essaye. Voilà. Nous parlerons aussi, Carlo, de table bruxelloise avec oui. Philippe Limbourg, des guides Gomiot, qui nous rejoindra en fin d'émission. Et puis nous retrouverons mademoiselle Julie Andrieux, animatrice des carnets de Julie sur France 5, auteur du livre Le Tour de France gourmand de Julie. Aujourd'hui, c'est une petite balade sur l'île de Ré, du côté de Noirmoutier, de la Vendée, qu'elle nous proposera un véritable patchwork de terroirs offrant de jolis plaisirs épicuriens. Les amis, vos questions, vos réactions sont évidemment les bienvenues via le site lapremière.be ou via notre page Facebook Bientôt à table, de la gourmandise et rien que cela, c'est parti jusque midi. Bientôt à table sur la première. Mange des tomates mon amour, mange des tomates nuit et jour. Bah oui, mange des tomates mon amour, nuit et jour. Mais pas toute l'année. Mais pas toute l'année. Il aurait pu le rajouter, Jacques Arian, hein, parce qu'en la matière, le pire peut côtoyer le meilleur, n'est-ce pas, Étienne Duquesne? Malheureusement. Alors, on le rappelle, vous êtes donc maraîcher à la ferme Nopilif. On peut peut-être juste rappeler, Nopilif, c'est quoi? Nopilif, c'est une entreprise de travail adapté. Donc, la mission de notre entreprise, c'est d'offrir du travail aux personnes porteuses d'un handicap. Alors, évidemment, chez Nopilif, on cultive de bons légumes de saison. Ah, on a développé différents métiers, dont le métier de producteur de fruits et légumes. Alors en ce moment, dans le jardin, au mois d'août, le plein de tomates. Bah, c'est la pleine saison, hein, depuis début juillet, et ça va durer encore jusqu'à l'automne, quasiment. Mmh. Donc évidemment, vous ne trouverez pas de tomates chez nous en hiver et au début du printemps. Oui, alors effectivement, on arrive là dans le nœud du problème, la tomate. Elle a une saison, on l'oublie trop souvent. Ouais. Les supermarchés nous inondent de toutes ces belles charnues, très esthétiques, hein, tout au long de l'année. Sauf qu'en les dégustant, bah, y a souvent pas beaucoup de plaisir gustatif. Elle est vraiment symptomatique de cette acceptation de la qualité très moyenne. Depuis des années, il y a un truc encore pire, c'est qu'on nous a rajouté pendant pratiquement toute l'année aussi, pas forcément au supermarché, mais les tomates dites de collection. C'est-à-dire que les tomates de collection, moi j'aime ça l'été, quand c'est la saison, hein, les tomates oranges, vertes, jaunes, zébrées, vertes, à rayures, tout ce que vous voulez. Mais quand ça devient du fake collection, c'est particulièrement énervant, parce que souvent en plus, c'est pas très bon. C'est-à-dire que c'est farineux, c'est cher, et c'est cultivé dans des conditions qui ne sont pas forcément respectueuses de l'environnement. Je pense rien qu'au fait qu'il faille chauffer ces serres. Alors, on peut peut-être évidemment parler de ces deux univers qui se confrontent. La tomate industrielle, souvent cultivée en hydroponie. Étienne Duquesne, on peut peut-être rappeler l'hydroponie, ça veut dire quoi concrètement? L'hydroponie sont des plantes qui sont implantées dans des pains de laine de verre ou de roche, dans lequel on fait passer un liquide nutritif qui n'a rien de naturel. Ouais, on est sur de la chimie, quoi. Voilà, sur de la chimie, et donc Carlo parlait de ces tomates façon ancienne qu'on retrouve dans les grandes surfaces, mais toutes ces tomates, qu'elles aient l'apparence ancienne ou moderne, elles doivent répondre à des critères, notamment en matière de transport, elles doivent pouvoir être cueillies assez longtemps avant la vente, transportées, palpées, et donc il n'y a pas de miracle. Une tomate qui a du goût, en général, c'est une tomate qui ne supporte pas évidemment la manipulation. Des tomates long life, hein, comme on les appelle dans le jargon des professionnels, qui peuvent tenir et rester jolies plus de 3 semaines, qui doivent supporter le transport frigorifique, notamment pour les tomates espagnoles, hein, qui font 2000 kilomètres par trajet. Bon, voilà. Le problème est pareil chez nous. En fait, il y a un autre souci, c'est que dans les circuits, disons, je fais des guillemets, mais plus industriels, les tomates qu'on nous fourgue maintenant, Bah, c'est les mêmes, c'est juste qu'elles ont eu besoin de moins de chaleur, elles n'ont pas eu besoin qu'on chauffe la serre, mais au niveau de la variété, c'est la même. Donc, je veux dire, vous pouvez même vous dire, tiens, je vais dans ma grande surface habituelle. La tomate, c'est vraiment spécifique, hein, parce qu'on trouve des panais magnifiques en grande surface maintenant, et des carottes qui peuvent être très bonnes. Mais la tomate, il y a un côté spécifique comme ça, très énervant, je trouve, c'est qu'on se dit, ah, c'est la saison de la tomate, de toute façon, c'est toujours le même linéaire, avec les mêmes variétés, un petit peu comme vous disiez, Étienne, tout à fait adaptées, mais c'est toujours la même, c'est le goût de la tomate, il faut le chercher ailleurs, et même, je me demande si on n'est pas en train de perdre l'habitude du vrai goût de la tomate, ouais, vous disiez justement, la tomate mûre, elle n'est pas dure. Alors certains croient que quand ils achètent une tomate au marché, j'ai déjà vu des gens me dire qu'ils étaient prêts à les ramener parce qu'elles étaient molles. Ouais. La tomate, exactement. Ça doit être ferme, mais effectivement, la peau, quand tu appuies dessus, c'est un tout petit peu mou, et ça veut dire que c'est mûr. Ouais. Et pire encore, c'est que les personnes qui consomment ces tomates de grande distribution depuis leur enfance ne sont pas du tout habituées à ces tomates goûteuses, charnues. Et donc, quelque part, pour eux, le critère de goût, c'est la tomate ferme sans caractéristiques gustatives. Alors, c'est vrai que le tournant de ces tomates industrielles, c'est l'après-guerre, évidemment. On a voulu proposer aux consommateurs gourmands qui ont envie de récupérer ces années de disette. Ils ont voulu en consommer toute l'année de ces tomates. Il y a eu pas mal de scientifiques qui se sont penchés sur ces fruits, comment les conserver longtemps, comment leur permettre d'être transportés. Il y a évidemment, Carlo, le cas de la Daniela, une drôle d'histoire que l'on doit à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. C'est une création assez tristement célèbre puisqu'elle est dotée d'un gène de long conservation. Ouais. En fait, on a voulu créer des tomates jolies, esthétiques, de longue conservation, mais alors le goût, on l'a complètement oublié. C'est ça le problème. Et on s'est habitué, nous consommateurs, à ces tomates-là, mais en fait. Le goût, c'est souvent un procédé de micro-fermentation. Ouais. Et si les micro-fermentations, on en a déjà souvent parlé dans cette émission, c'est ce qui fait le goût. Elles se produisent à proximité de la peau, notamment. Alors évidemment, c'est pas, on dit pas de manger des trucs pourris, mais si ces processus, c'est comme le melon, quoi. Le melon, juste après avoir été à son parfait, il commence à sentir la bière, quoi. Donc, il fait de l'alcool. Le sucre se transforme naturellement en alcool. Donc, il faut être juste avant, mais il faut y être. Vous savez qu'aujourd'hui, et ça, vous allez peut-être nous donner plus d'informations, Étienne Duquesne, je rappelle que vous êtes maraîcher à la ferme Nopilif, qui cultive évidemment les tomates en ce moment. Et il y a aujourd'hui des scientifiques qui travaillent sur la sélection d'un gène conférant plus de goût à la tomate. Ah bah. Donc on va travailler sur les taux de sucre de la tomate. Donc du coup, on va parvenir à avoir des tomates avec un minimum de goût dans nos hypermarchés. Pourquoi pas, mais après, il faudra... c'est toujours un problème vaste. Il y a le problème, effectivement, du goût, puis il y a le problème environnemental, le problème social. Enfin, on en reviendra toujours au fait, j'espère en tout cas, et nous sommes là pour faire ça, Sophie, que quand c'est cultivé dans de la terre et à la bonne saison, comme par hasard, ça sera mieux. Alors justement, parlons de la tomate de saison. En Belgique, Étienne Duquesne, la saison de la tomate, c'est maintenant. Le mois d'août, c'est l'idéal. C'est l'été. Et seulement l'été. Ouais. Vous cultivez sous serre, vous ? Oui, on cultive sous serre une bonne partie de nos tomates parce que, en Belgique, il y en a beaucoup. Pas. Et que cette fameuse maladie, le mildiou, si la tomate est en plein air, le feuillage est mouillé, la chaleur fait que le mildiou, qui est un champignon dont les spores se retrouvent partout sur la terre, migre vers les feuilles et puis nous bousille la tomate. Quoi. D'accord. Alors, question basique, mais la terre, elle apporte quoi, la tomate ? La terre, elle apporte le caractère à la tomate. Dans la terre, si elle est vivante, nous, on prend vraiment beaucoup d'attention à ce que la terre soit vivante, c'est-à-dire qu'on recrée en fait un écosystème tel celui de la forêt, l'humus naturel, le compost, etc. Et donc, il va y avoir toute une série de synergies entre les racines de la tomate ou des autres légumes qui va se créer au niveau du sol. Il y a vraiment des synergies, par exemple, avec des champignons du sol qui vont collaborer avec la racine de la tomate. C'est-à-dire que les champignons vont apporter des nutriments qu'elle va aller chercher un peu partout dans le sol. En échange, la tomate va céder des sucres qu'elle fabrique via la photosynthèse. Donc c'est vraiment des collaborations win-win. Et tous ces échanges entre les micro-organismes du sol et la plante vont faire que la tomate va acquérir un caractère au niveau nutritionnel, mais au niveau gustatif bien entendu aussi. Quelle est la terre idéale pour la culture des tomates ? C'est des questions qui nous parviennent à l'instant. Si on veut... cultiver des petits plants de tomates en balcon ou même dans son jardin? Oui, il faut, la tomate est une plante gourmande, donc elle a besoin d'une terre riche. Mais terre riche ne veut pas dire engrais chimiques, par bien exemple. Hein, donc c'est une terre qui va être composée de compost, éventuellement d'un peu de fumier, comme c'est le cas chez nous. Éventuellement, s'il faut un apport d'engrais, ce sera un apport d'engrais organique, donc fait avec des éléments naturels. Et puis, l'arrosage, forcément, il faut suivre. C'est-à-dire que l'été, surtout si la tomate est en serre, il faut gérer la tomate. On arrose le sol et pas les feuilles, bien sûr. Étienne, cet aspect collaboratif de l'horticulture, est-ce que ce n'est pas vraiment la grande question du moment? C'est-à-dire, de un, c'est ce qu'on a le plus perdu avec les cultures intensives, mais que ce soit dès que ça rapporte, j'ai envie de dire, par exemple, la vigne, autrefois, il y avait des tas de choses autour des vignes en France ou en Italie, et puis dans les endroits où ça rapporte, on a planté des vignes partout. Chez nous aussi, dans les jardins, je pense qu'on a d'abord expliqué qu'il fallait mieux séparer les choses, et maintenant, il y a une espèce de lame de fond, de retour à cette collaboration, c'est-à-dire d'alternance des cultures dans un même jardin et d'alternance de cultures sur un même sol. C'est bien ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on pratique de la monoculture, c'est-à-dire on ne pratique, par exemple, qu'on ne cultive que des tomates, eh bien, on a beaucoup plus de problèmes de maladies, de croissance, etc. Et donc, nous, on essaie de promouvoir la diversité. Hein. Donc, la biodiversité, c'est aussi dans le potager. C'est-à-dire qu'on associe toute une série de plantes. Par exemple, dans nos serres, avec les tomates, on va retrouver notamment toute une série d'espèces de basilic, parce que ce sont des plantes compagnes qui... Il manque un arbre à mozzarella. Vous me donnez faim, là, tout de suite. Voilà. Donc, effectivement, on pratique, comme vous disiez, les rotations, c'est-à-dire qu'on essaie de ne jamais cultiver le même légume au même endroit, c'est-à-dire que quand on a récolté, par exemple, les salades, on ne va pas repiquer d'autres salades, d'accord, on va passer à un autre type de légumes. La rotation. Voilà, les rotations et les associations, puisqu'on sait que certains légumes se plaisent entre eux, par contre, certains légumes ne se plaisent pas. Par exemple, les tomates, famille des solanacées, ne va pas se plaire à côté d'une autre plante de la même famille. D'accord. Mais par exemple, avec le basilic, ça fonctionne bien. Donc on peut planter des plantes basilic au pied de nos tomates. Donc ça veut dire que si moi je veux cultiver des tomates dans ma petite serre ou dans mon jardin, je peux cultiver combien d'années des tomates et quand est-ce que je dois commencer les rotations? C'est-à-dire que la tomate, elle appauvrit très rapidement le sol. Donc si on n'a pas le choix et qu'on est obligé de recultiver chaque année au même endroit ces tomates, il faut réenrichir le sol. Il va falloir réenrichir le sol de nouveau avec du compost, un peu de fumier. Mais sinon, les tournantes, c'est quoi? Un an, deux ans et puis on passe à autre chose? Trois ans. C'est bien. Ça c'est le bon conseil. Et votre conseil, vous me le disiez hors antenne, c'est finalement, même si on n'a qu'un tout petit balcon, on peut cultiver des petits plants de tomates, évidemment. Il faut que le bac soit assez grand. Il faut que le bac soit assez grand, il faut choisir la variété aussi adaptée, parce que vous savez qu'on a des centaines, voire quelques milliers de variétés de tomates. Il y a toujours une variété de tomates qui sera adaptée à la situation. Oui, bien sûr. Alors, mais là aussi, on entre dans un sujet très intéressant, c'est les semences que l'on utilise. Si on va en supermarché acheter notre petit paquet de semences de tomates, il faut à parier qu'on ait les mêmes tomates que celles vendues en supermarché, justement. Est-ce qu'il y a justement d'autres filières pour trouver des variétés anciennes de tomates, ou des tomates qui aient vraiment du goût, quoi? Vous m'en parliez hors antenne, il y a quelques chouettes créneaux en la matière. Il faut choisir l'endroit où on achète ses graines. Donc on a des éco-jardineries, par exemple, des gens qui font attention à ce qu'ils vendent. On peut peut-être en citer quelques-unes, je pense que c'est intéressant. Chez nous, bien entendu, la jardinerie. Nos Pilifs. Vous avez des entreprises comme Ecoflora, près de Hal. C'est une jardinerie biologique. Oui, qui vend des plantes indigènes. Et des plantes méconnues. Moi, j'y vais très souvent, je trouve des trucs que je ne connaissais même pas, c'est incroyable. C'est vrai. Et puis il y a des semenciers qui résistent, comme Semaille, par exemple, ou en France, Cocopélie, la ferme Sainte-Marthe. Il faut choisir son semencier aussi, pour être certain, parce que vous allez retrouver chez les gros semenciers, donc les gens qui font du lobbying et qui font tout pour pouvoir ne développer que leurs variétés, qui sont souvent des variétés hybrides, de plus en plus, je ne sais pas si on en a parlé. Les brevetés, ces fameuses variétés hybrides F1 que vous semez, mais que vous ne pouvez pas perpétuer, c'est-à-dire que si vous gardez une ou deux tomates bien mûres pour récolter les semences, vous les ressemez l'année suivante et vous n'obtenez plus du tout la tomate que vous aviez au départ. D'accord. Et donc vous êtes obligé chaque année de réacheter. Voilà, donc il faut vraiment essayer de promouvoir les semences traditionnelles, les légumes anciens, que ce soit les tomates ou d'autres. Alors, ces tomates, on va en parler. Ah oui, parce que là j'ai faim tout à coup. Mais on va s'ouvrir d'abord un petit peu de musique. Polo & Pan, la plage isolée, on y est là, Carlo, avec une bonne assiette de tomates mozza. Quel bonheur, les amis. J'écris ton nom sur le sable pour ne jamais oublier, qu'avec toi je suis capable de voir la fin du ciel. Bientôt à table, en ce samedi 20 août, ode à la tomate. Carlo, la tomate de saison, de pleine terre, celle qui a du goût, pas la cœur du bœuf qu'on nous fait passer pour une variété ancienne et qu'on nous vend en supermarché. Vous venez c'est pas la cœur de bœuf. Mais ça n'en est pas. Bah en non. fait, c'est la cœur de bœuf, mais Étienne le dira beaucoup mieux que moi, la cœur de bœuf, elle a une forme de cœur, c'est-à-dire qu'elle est pointue du bas. Et ce qu'on nous vend pour la cœur de bœuf, c'est une variété, c'est un hybride d'une variété assez courante sur la Riviera italienne. En fait, elle a des côtes sur le côté. Et quand elle est, alors je mets des guillemets parce que c'est pas de l'industrie à proprement parler, mais quand elle est de type industriel, elle est encore plus farineuse que les tomates ordinaires. Elle est juste moins bonne et plus chère. On arrive, elle est souvent à 4-5 euros le kilo. Voilà. Alors je rappelle que nous recevons Étienne Duquesne, vous êtes le responsable du pôle vert de la ferme Nopilif. On est à Neder-Overembeek, donc on est où exactement? Situez-nous tout ça. Alors on est juste à côté de l'hôpital militaire. Donc de Neder-Overembeek. Ouais. Donc nous sommes dans le, dans le nord de Bruxelles. De Bruxelles. Voilà. C'est un coin de campagne. Mais c'est beau, encerclé c'est de chouette. Rigue. Mais tout d'un coup, vous avez l'impression d'être en pleine campagne. C'est très amusant. Et on est sur le territoire de la ville de Bruxelles. Voilà. On est et Bruxelles. Le week-end prochain s'y tiendra le grand festival de la tomate. Alors je rappelle que vous êtes évidemment, vous, au quotidien, les pieds dans la terre. Vous cultivez ces belles tomates. Combien de variétés aujourd'hui vous cultivez en matière de tomates, Étienne? On cultive pour les chefs bruxellois environ 20-25 variétés. Donc on peut peut-être expliquer. Il y a un pôle du jardin entièrement dédié aux commandes des chefs, dont David Martin, qui oh là là, il m'a montré ses plants de tomates. Là là, ça. C'est de la David tomate. Martin, la paix, la et paix, beaux arbres. Exactement. Ouais, exactement. Voilà. Donc pour David et pour d'autres chefs, on a développé un jardin sur but. Donc c'est un jardin qui est cultivé en permaculture. Wow. On n'aura pas le temps de développer ça, mais peut-être. Et alors, déjà, cette collaboration entre les espèces dont on parlait tout à l'heure, c'est un des ressorts de la permaculture. Voilà. Et donc là, on ne cultive que des variétés traditionnelles, anciennes, goûteuses. Donc c'est vraiment la priorité, c'est le goût, qui sont sélectionnées par les jardins de Pomone, qui sont une association qui fait un travail très très avec remarquable. Anne qu'on Anne a déjà José, souvent reçu José Date qui sont vraiment là pour défendre les variétés traditionnelles et le goût en termes de légumes et donc ils sélectionnent avec nous ces variétés que nous mettons en culture là les en ce qui concerne les tomates, c'est essentiellement sous serre, hein, oui, on en a parlé sûr. Tout à l'heure, mais plein d'autres légumes, bien entendu, qui sont récoltés une ou deux fois par semaine par les chefs. Alors là, si vous deviez nous faire une petite sélection, nous proposer une sélection des tomates les plus savoureuses qu'on peut trouver en ce moment, chez des maraîchers, dans nos petits marchés, chez certains primeurs aussi, hein, Carlo, ce serait quoi par exemple? Oui, bah, écoutez, il y en a énormément, hein, mais ouais. Bon, pour citer des tomates qui pourraient se trouver donc, dans certains commerces spécialisés, je pense à des tomates comme les petites cerises, miel du Mexique par exemple, les prunes noires qui sont des petites tomates allongées, rouges, noires comme ça, la côtelée de Florence par exemple. Elles ont toutes des goûts différents. Ouais, elles ont toutes des caractères différents. Ouais. Certaines seront plus juteuses, certaines auront un côté plus acide ou plus sucré, plus charnu, avec peau fine. Donc, mais il y a plein d'utilisations. Bien sûr, on en parlera avec Carlo dans quelques minutes. Si c'est pour faire de la sauce, bah, on va plutôt choisir une tomate plus ferme. Si c'est pour faire une salade, ce sera quelque chose de plus en chair, plus juteux. Étienne, je vous interromps, pardon. Et ces tomates ont presque toute la caractéristique d'avoir peu de vide à l'intérieur. Mais oui. Mais oui, évidemment. Voilà. C'est surtout on la achète chair, de la tomate. On n'achète pas un creux compartimenté. C'est quoi une question intéressante peut-être, c'est quoi le prix au kilo d'une belle tomate de saison? En fonction de la variété, ça va tourner entre 1,50€, 2€, et ça peut monter à 5-6€. Ah oui, c'est ça. Et même sur les marchés de Provence. Hein. Ouais. Ça peut être relativement cher, mais de nouveau, c'est quand tu achètes un kilo de vraies tomates, tu achètes un kilo de chair. Et non pas un kilo d'eau au pépin. Alors, ce qu'on peut peut-être juste signaler, Carlo, pour votre culture, vous savez qu'il y a 400 molécules volatiles présentes dans la tomate et que si vous la mettez au frigo, ben vous perdez plus de la moitié de ces composés volatiles. Mm-hmm. Donc c'est quand même intéressant de rappeler. Le frigo, je le savais. Vous pouvez rappeler à nos auditeurs que la tomate ne se met pas au frigo, évidemment. Non, oui, mais c'est un détail qui fait toute la différence. Oui. Donc on les garde plutôt à l'air ambiant on essaie de les consommer les plus fraîches possible, évidemment. Il faut les consommer parce que, en fait, des tomates qui sont à maturité, elles vont vite dégénérer en sauce tomate dans votre fruitier. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a reçu le grand chef Fulvio Pirangelini qui nous a fait une sauce à la tomate, mais poétique. J'ai je vous invite à la main. À réécouter sur le podcast, et on a d'ailleurs mis la recette sur le site de la première. Parce que les couteaux, ça va pas. Alors, il nous expliquait, on le rappelle pour ceux qui étaient en vacances, en train de se dorer la pilule à la plage, donc les tomates, lui, il ne les coupe pas, il les arrache, pour justement ne pas abîmer toutes ses qualités organoleptiques. Pour faire sa sauce tomate. Donc, il arrache la tomate, il la fait mijoter avec un petit peu d'ail, de l'huile d'olive, un petit peu de thym, il avait mis dans sa tomate. Alors oui, il met comme dit Fulvio, il faut les herbes, il faut que s'il n'y en a pas, tu t'aperçois que ça manque, et s'il y en a, tu ne dois pas sentir qu'elles sont là. Donc, et tu lui parles, la sauce, tu lui parles, il nous l'a dit plusieurs fois, il faut lui parler à la tomate. Il nous a fait un beau cadeau, Fulvio. Dites, Carlo, on va parler peut-être de quelques recettes. Une association d'abord, mais toute basique, c'est une belle tomate de saison, bien goûteuse, de l'huile d'olive, un peu de fleur de sel, huile d'olive de qualité à nouveau. Il y a une huile dont vous vouliez nous parler et que vous avez eu l'occasion de déguster. Alors, c'est en Sicile que ça se passe. Ouais, première chose, c'est de couper, quand on a des très très belles tomates, de couper des tranches épaisses. Voilà, parce qu'à ce moment-là, on se fait un beau petit steak de tomates. Alors, il y a une nouveauté qui est apparue au mois de mai, c'est que la Sicile a obtenu une IGP, indication géographique protégée générale pour ces huiles d'olive. Il y avait déjà des IGP, des AOP pour des huiles d'olive très haut de gamme, de monocultivars, monovariétales en Sicile, et c'était formidable, mais on parle de très très haut de gamme. Mais là où les Siciliens se sont bien battus, et surtout il y a eu un homme qui s'est battu, c'est Salvatore Cutrera, qui est un grand représentant, et ce type a déjà gagné des centaines de prix dans tous les salons de l'huile d'olive à peu près partout. Et il s'est battu pour qu'il y ait une IGP pour l'huile d'olive Sicile, et il s'est surtout battu pour que cette IGP soit sévère. C'est-à-dire que souvent l'IGP, c'est une protection européenne qui n'est pas très sévère. Par exemple, les jambons d'Ardennes peuvent être fabriqués avec des cuisses de cochon qui viennent d'ailleurs. Par exemple, il y a comme ça plein de cas où le travail doit être façonné sur place, mais les produits peuvent venir de l'extérieur. Mais dans le cas de l'IGP Sicile, on a restreint bien évidemment la provenance d'olives 100% Sicile avec des critères au niveau de rendement. Et donc, effectivement, c'est pas le plus haut de gamme des huiles d'olive, mais quand même, nous avons eu l'occasion ensemble, hein, Sophie, de déguster une IGP Sicile de Monsieur Coutrera, et il y en aura d'autres. Et effectivement, on a une typicité toute sicilienne qui est faite à la fois de puissance. Ouf, et très très piquante, même... cette huile. Oui, une des huiles était très piquante. Voilà, mais pas si... Mais en fait, c'est parce qu'on les a bu. Hein. Mais si vous les mettez sur les tomates, ça va... Non, mais elle était absolument délicieuse. Et elles ont cette caractéristique... Ouais. Elles s'accommodent, elles vont particulièrement bien avec les tomates parce que certaines de ces huiles ont un parfum qui rappelle la feuille de la feuille de la tomate. Ouais. Donc c'est très intéressant. Donc quand une IGP fonctionne bien, quand elle est une vraie protection d'un savoir-faire et d'une vraie origine, il faut la saluer très très fort, à la différence par exemple de ce qui se passe avec l'IGP vinaigre balsamique IGP, hein, parce une AOP pour le vinaigre balsamique, c'est autre chose. L'IGP, elle est très, moi je trouve, j'ai pas peur de dire qu'elle est foireuse. D'ailleurs on va en parler en septembre, parce que ça, oui, on peut même parler de, je trouve, d'un scandale quand même, parce qu'on nous prend quand même parfois pour des consommateurs. Non mais enfin, scandale, franchement, en plus, bon. Scandale, je sais pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on en parlera en long, en large et en travers. Mais pour avoir l'IGP vinaigre balsamique, on peut l'ajout de vinaigre de vin est autorisé, alors que normalement le vinaigre balsamique, exactement, c'est à base de moût concentré de raisin. L'ajout de caramel est autorisé. Oui. En fait, qu'est-ce qui se passe pour le vinaigre balsamique, c'est que les producteurs de vinaigre balsamique ordinaire, je parle pas du traditionnel couvert par une AOP, ils ont trouvé un moyen finalement qui leur a pas coûté cher, de faire en sorte que personne d'autre ne puisse écrire vinaigre balsamique de Modène, ou même le mot balsamique d'ailleurs, ils ont là-dessus aussi, ils ont obtenu le fait qu'on puisse pas l'utiliser. Donc voilà, ça ne suffit pas. Non, mais cette IGP-là, que... y a des bons dans l'IGP, mais cette IGP-là ne mais suffit pas, n'est pas un guide pour le consommateur. Voilà, cela dit, un bon morceau de tomate avec un petit peu de vinaigre balsamique moi de qualité. Moi j'en mets pas, Non mais on peut. Oui, on peut. C'est pas péché. Non, mais attends, je veux dire, chacun ses goûts. Mais moi, je veux dire, alors, d'abord, vinaigre balsamique, franchement, j'en ai marre. Mais sauf le très très bon. Mais après. Et si on fait des petits points sur l'assiette, là où il hurle, Carlo. Non, on fait ce qu'on veut. Bon, mais non, alors mais chacun... la tomate. Mais là, je trouve qu'une goutte, je sais pas ce qu'on pense, Étienne, mais une goutte de vinaigre de vin. C'est vrai que c'est sur la tomate, une toute petite goutte comme ça, et alors vous mettez l'huile d'olive, ça va lâcher un petit peu d'eau, et puis vous terminez cette eau-là avec le pain. L'eau de tomate, le vinaigre et l'huile, vous ramassez ça avec le pain. Moi, j'ai toujours aimé ça, je sais que certains n'aiment pas le vinaigre sur la tomate. Alors, de la tomate fraîche en ce moment, en petite sauce, avec un petit d'ail, un petit peu de basilic, à peine cuite, c'est très très bon. En passata, vous passez au chinois et vous avez un jus de tomate absolument magnifique. Ah bah maintenant, on peut faire des sauces tomates avec la tomate fraîche. Et oui, évidemment, on peut même faire des bocaux pour en avoir toute la saison, tout l'hiver. Il y a d'autres idées de recettes autour de la tomate, que vous pourriez présenter, Un grand Carlo. Classique espagnol, le pan con tomate, et j'ai jamais bien compris la différence avec la bruschetta, mais rendons hommage à nos amis espagnols. Ah, on les aime. Le pan con tomate, et donc vous prenez de la baguette, une ciabatta, mais la bonne évidemment, vous la faites rôtir, griller, vous la frottez ou pas avec de l'ail, et puis vous frottez la tomate dessus. Ah, donc vous prenez la demi-tomate et vous frottez, vous écrasez, et plaf, la tomate s'écrase sous votre main et se déverse en petits morceaux comme ça qui viennent mouiller le pain. Vous arrosez d'autant d'huile d'olive que vous savez, comme dirait notre ami Théo Wynens, lui dit ça à propos du beurre. Et alors, on met dessus des copeaux de fromage de brebis, le queso manchego, ou du jambon, un jambon ibérique. On n'est pas obligé de prendre un bellota pour faire ça. Je sais que maintenant, tous les Espagnols qui nous écoutent vont me dire que c'était pas la bonne recette, que leur mère en avait une meilleure. Mais en attendant, envoyez-nous vos réactions, les amis. Voilà, c'est quand même un geste simple. Mais la vraie bruschetta, c'est ça aussi. C'est vous rôtissez au barbecue ou pas une belle tranche de pain et au lieu de faire des cubes de tomates là, comme on voit faire depuis 20 ans, moi j'ai jamais vu mon père faire ça, on frotte la tomate sur le pain, on la frotte, elle se décompose, et là c'est vraiment le bonheur. Vous vous souvenez d'une recette dont on avait parlé l'année dernière, des belles tranches de tomates avec des tranches de poire? Ah oui, c'était très surprenant. Ah oui, on avait testé, et je dois dire que l'association est assez intéressante, mais c'est vrai que, et ça vous n'allez pas me contredire, Étienne Duquesne, en matière de tomates, quand on analyse au niveau de la dégustation, on retrouve des notes parfois de poire, de pomme, parfois, certaines. C'est assez étonnant. Hein. Oui, il y a énormément. On peut vraiment s'amuser et jouer des similitudes. Une dernière petite recette, Carlo. Allez, une tagine de boulettes. Une tagine de boulettes avec du haché de veau. Ouais. Le principe, dans la tagine, si vous n'avez pas votre creuset, fera l'affaire. Vous faites suer un petit peu d'oignon avec de l'huile d'olive. Et vous préparez des boulettes à base avec des herbes comme de la coriandre, du persil plat, des épices comme du paprika, du cumin et du haché de veau. Vous moulez ça en petites boulettes. Mmh. Et vous allez, mais avant de mettre les boulettes à cuire sur les oignons, vous allez mettre la tomate râpée de nouveau. Aujourd'hui, on râpe la tomate. Donc, vous râpez la tomate, ouais. Vous la recueillez dans un bol, vous posez cette tomate sur le mélange d'oignons. Mais on pourrait la concasser à la main, non ? Ouais, mais non, c'est râpé. C'est ah la bon, recette. D'accord, c'est râpé. D'accord, voilà. Chef. Voilà. Okay. Et puis vous posez quand la tomate a fait un petit peu suer, qu'elle a un petit peu réduit, vous ajoutez les boulettes et vous les faites infuser là-dedans, voilà, et vous mettez encore, il faut réépicer, remettez un peu de cumin là-dedans, voilà, cumin, bon. Gingembre, graines de fenouil, ça peut être bon aussi, pas avec le oui. Bah oui, mais pas fenouil, pas forcément cumin. Avec, oui, mais pas avec le gingembre. Peut-être pas. Je sais pas. Peut-être. Essayez, vous me raconterez. Testez, vous nous envoyez vos impressions. Et puis, pour finir, un petit risotto à l'huile d'olive. Vous démarrez à l'huile d'olive. Mmh. Aux tomates cerises. Vous coupez les tomates cerises en deux. Vous faites un risotto avec un bouillon de légumes. Ou même, comme Giovanni Bruno du Sainte-Sanome et en région bruxelloise, vous le faites à l'eau. Et vous, à mi-cuisson, vous ajoutez les tomates cerises. Et puis, en fin de cuisson, vous en rajoutez. Mmh. Vous le liez au fromage de brebis. Voilà. Bon, c'est bon, Carlo, stop, taisez-vous. Voilà. Je n'en peux plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur le site lapremière.be le plein de recettes à base de tomates fraîches, évidemment. Oui. Nous allons poster quelques bonnes adresses où trouver vos semences de tomates anciennes et des tomates qui ont du goût, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche aujourd'hui. Et on va se quitter, non sans rappeler, un rendez-vous incontournable Étienne Duquesne, qui se tiendra le week-end prochain à la ferme Nopilif. On est donc à Neder-Overembeek. Le festival de la tomate, ça se passera samedi et dimanche prochain. Oui, bien sûr. Racontez-nous. On sera là. Bah, écoutez, ah oui, faut y aller, c'est très chouette. On accueille un tas de passionnés de la tomate. Tomates, des collectionneurs, des cultivateurs, vous allez pouvoir découvrir des centaines de variétés. C'est assez incroyable. C'est vraiment surprenant. Vous allez pouvoir les goûter, il y aura des stands avec de l'animation, évidemment, tout ce qui tourne autour de la tomate, vous pourrez visiter notre potager. C'est magnifique. Acheter des semences, des variétés de tomates goûteuses, génial. Bien mûres, cueillies du matin, probablement. Mmh. Donc ça vaut vraiment le déplacement. Oui, moi, j'y étais l'année dernière, je veux dire que c'est assez génial. Très chouette ambiance. Il y avait un petit des dégustations de glace aussi artisanales. Oui, glace à la tomate. Sorbet à la tomate, c'est vrai que c'est très très bon. Voilà, on mettra toutes les informations évidemment sur ce grand rendez-vous de la tomate sur le site lapremière.be. Carlo, j'ai faim, c'est pas possible. Mais écoutez Sophie, une petite tomate en plus, c'est léger. Hein, c'est 15 kilocalories au 100 grammes. À suivre, Carlo. Oui. Mademoiselle Julie Andrieux, notre rayon de soleil des vacances. Julie nous emmènera aujourd'hui découvrir notamment quelques spécialités de l'île de Ré, Noirmoutier, on ira peut-être découvrir même un saunier. Un saunier ? Voilà. C'est un type qui fait du sel. Ben, bravo, Carlo. Ah ouais, dingue. Avec une bonne tranche de tomate. Allez, voilà, juste après ceci, Zimi. Merci beaucoup, Étienne. Merci, à tout bientôt. Merci, au revoir. Ça se passe sur la première. En Belgique, la crise. Chaque samedi de l'été sur la première, Autopsie explore en profondeur un événement de notre histoire récente. Sauver Fortis, c'était la mission du gouvernement. Avec des archives, mais aussi des témoignages d'acteurs sur les coulisses. Moi, je reçois un SMS d'Elio disant « Rendez-vous au palais ». Une heure pour comprendre, au travers d'un grand récit à découvrir en radio le samedi midi, mais aussi en podcast et sur notre web documentaire www.rtbf.be/autopsie, rtbf.be/autopsie. La première présente La Nuit des Cœurs 2016. C'est 26 et 27 août. Découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Vabona, votre arme contre les insectes. 11h midi. Bientôt à table sur la première avec Sophie Mouns. Bien, Carlo. Oui, ça fait. Notre balade de France, c'est avec Julie Andrieux, comme chaque samedi. Bonjour Julie Bonjour Andrieux. Julie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, alors, Sophie, bonjour, aujourd'hui, Carlo. Petite halte dans le nord-ouest, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Noirmoutier, la Vendée, que du bonheur. Ça sent bon, la cuisine de la mer, hein, Carlo. Oui. Julie, comment résumer cette région gourmande? Qu'est-ce que vous en avez retenu au cours c'est de vos balades? Voilà. Non, bah oui, non, là, c'est pas possible. Oh, vous me demandez de couper la France en quatre, couper les cheveux en dix. Non, mais je peux pas. Parce que justement, je peux vous dire que ça n'a rien à voir justement d'un bout à l'autre de la région comme toutes les autres. Mais moi, j'ai des souvenirs merveilleux, que ce soit à Saint-Malo, devant la tombe de Chateaubriand, ou que ce soit en Normandie, à l'île de Ré, où habite mon papa d'ailleurs. Mm-hmm. L'Anjou, c'est sans fin. Arrêtons-nous, mais je vous engage à visiter ces régions. Alors, surtout. L'île de Ré, mais parlons-en. Oui. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Quelles sont les spécialités gourmandes, vous qui connaissez bien les lieux? Ah, alors, à l'île de Ré, il y a un fromage, si on peut l'appeler comme ça, très très frais, qui s'appelle la jonchée, qui est un caillé qui égoutte entre des joncs qui ont été ramassés au bord des rivières. Mmh. Et ça, c'est une vieille tradition locale qu'on retrouve chez quelques crémiers, notamment de l'île de Ré, mais aussi sur le continent. Et c'est très frais. Alors, eux, la rose d'alcool, je crois, moi, je ne suis pas convaincue par l'habitude. Je préfère le manger nature, avec un coup de poivre, pourquoi pas, comme la soca. Mais ça, c'est vraiment à découvrir. Et moi, j'avais cuisiné avec une certaine Marinette, qui ne manquait pas de piquant, des sèches à la moutarde. Et alors, notre Marinette, qui habitait dans un village, qui n'était pas en bord de mer, quand il s'est agi de laver les sèches, ça n'est pour le moins, c'est pour le moins utile, m'a dit « Ah mais Julie, on ne lave jamais un poisson à l'eau courante ». Je dis « Mais on fait comment ?» Elle me dit « Mais on va le laver dans la mer ». Donc on est parti de laver dans la mer, parce qu'elle a raison, cela dit, c'est vrai qu'un poisson est bien meilleur. Quand on a la mer laver. À côté, oui. Voilà, laver. Mais enfin, elle n'était pas tout à fait à côté, il a fallu prendre la voiture quand même pour quand aller même. Laver les sèches. Mais donc c'était assez marrant. Et là, effectivement, ce sont des sèches qui cuisent avec des échalotes, du vin blanc, du cognac. Alors là, pour le coup, le cognac est indispensable là-bas pendant très longtemps. Et on rajoute de la moutarde en grain. Mais ce qui est amusant, c'est qu'autrefois, c'était fait toute l'année, notamment avec des sèches qu'on avait pêché la belle saison et qu'on faisait sécher, pour le coup, peut-être que le nom vient de là, dans le grenier. Donc inutile de vous dire que dans le grenier, déjà, il fallait écarter les mouches. Après, c'est pour ça qu'il fallait le faire cuire très longtemps. Mais c'est ça qui est amusant, c'est que derrière chaque plat, on a des histoires, on a des traditions, alors qu'ils sont parfois un peu obsolètes. Elles sont mijotées, on y mélange de la moutarde, c'est servi avec des pommes de terre. C'est un plat assez simple, assez rustique, mais les sèches sont très tendres, à la fois il faut un peu de mâche, mais très tendres. Et il y a le côté un peu acidulé du vin blanc, c'est très agréable. Donc sèche à la moutarde, qu'est-ce qu'on a? On avait l'éclate de moule. Ah, l'éclate de moule, c'est merveilleux. Alors, ça, c'est vraiment un plat d'été. Extra, racontez-nous, c'est quoi exactement? Alors, l'éclate de moule, c'est tout simple, en fait, il y a deux ingrédients. Il y a des moules bien fraîches et il y a des épines de pin. Donc, on met les moules, on les monte en pyramide, un peu comme un jeu de Mikado, vous voyez. On les met, alors il faut vraiment que la pointe soit vers le haut pour que lorsqu'elle s'ouvre, la cendre finalement ne rentre pas dans le coquillage. Et donc on essaye de les disposer côte à côte, bien serrées pour pas qu'elles tombent. Donc pointe vers le haut, droite. Ouais. On jette des épines de pin et on flambe tout ça. Et c'est un brasier qui est très rapide en fait, heureusement d'ailleurs, puisque comme ça elles sont cuites, à peine cuites. Et ensuite on les déguste avec les doigts. Il faut quand même faire attention à ne pas enflammer son jardin ni la forêt d'à côté. Donc il vaut mieux faire ça sur une planche de bois, sur une plage par exemple. Mais ça, c'est spectaculaire, puis c'est extrêmement convivial, et puis c'est pas cher. Oui, moi j'avais découvert ça à Saint-Jean-de-Luz, cet éclat de moule. Ah oui, bien magnifique. Sûr, ah bah oui, sur toute la côte, absolument. Fait, un petit peu plus et puis au d'ailleurs, sud, j'en profite, si vous allez dans la région, investissez si vous le pouvez dans un diable. Ça n'est pas un Méphistophélès. Un diable, c'est un ustensile de cuisson, pour le coup, très traditionnel, antédiluvien, qui est en terre cuite, qui est une sorte de cocotte assez refermée. On a juste un petit couvercle. On y met en général des pommes de terre, on peut y mettre des châtaignes. On ne met aucune matière grasse. Quand on le fait avec des pommes de terre, on peut mettre des gousses d'ail, des feuilles de laurier, du gros sel évidemment. On remue tout ça et on le met dans le feu, plutôt sur des braises. Et ça cuit comme ça à l'étouffer et on a un mélange des parfums et les pommes de terre deviennent presque un peu brûlées. Il faut qu'elles noircissent vraiment, on les secoue de temps en temps. Écoutez, honnêtement, j'ai jamais mangé meilleure patate. C'est joliment bon. Dit. Voilà. Ah mais c'est sublime, vous mangez ça avec un morceau mettez... de beurre. Oui, il y a un petit peu de fleur de sel au-dessus. Un peu de fleur de sel, un morceau de beurre, ou si c'est un jour de fête, un petit peu de foie gras bien froid. Oh, oh là là, oui, ça, mais ça c'est péché, ça, c'est trop bon. Alors, si on va... vous êtes allé du côté de Noirmoutier, oui. Julien Andrieux, oui. À la découverte d'un saunier, et ça c'est vrai que ça mérite le détour, si on va se balader dans la région, aller découvrir ces marais salants, c'est un pur spectacle. Oui, c'était Louis, l'un des derniers sauniers de Noirmoutier. Alors c'était une activité qui avait quasiment périclité et qui a été remise en activité par quelques passionnés, dont Louis justement, qui a toujours été saunier toute sa vie, enfin qui fait deux métiers d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûre que ce soit suffisamment rémunérateur. Et donc il s'agit de récolter le sel donc, dans des marais salants, et du coup qui sont évidemment façonnés à la main de l'homme, hein, de façon très particulière, en fonction des courants, en fonction de l'incidence du soleil, pour sécher l'eau tout simplement et récupérer le sel, la fleur de sel, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais ça n'est pas là plus loin fleur de sel, mais c'est la fleur de sel qui affleure sur l'eau en fait et qu'on prélève parce que c'est justement la croûte qui se forme dans l'eau et qui est, paraît-il, la plus fine en goût. Et voilà, donc j'ai appris plein de choses avec Louis dans ces marais salants et c'est vraiment quelque chose que d'ailleurs n'importe qui peut visiter quand on se balade sur l'île de Noirmoutier ou l'île de Ré. On peut se retrouver devant ces marais salants et aller voir, aller poser des questions aux gens qui vous répondront très gentiment. Ils ont chacun des cabanes où ils se reposent d'ailleurs aussi, parce que c'est un métier qui est assez difficile. Et je vous engage vraiment à faire un pas de côté pour aller visiter ce patrimoine traditionnel de l'île de Noirmoutier. Et on termine tout ça avec un bon dessert typique breton, le kouign-amann. Ah. On est presque en fin de vacances. On plus peut prendre de beurre que kilos. De farine. Oui, absolument. Là, il ne faut pas se gêner. Mais alors ça, c'était un kouign-amann intéressant parce qu'on en a fait deux. Alors, il n'y a pas la recette du chocolat, mais il y en avait un au chocolat. Mais ça, c'est peut-être un peu plus anecdotique. Effectivement, pourquoi pas au foie gras, tant qu'on y est. Et alors non, en revanche, moi, j'avais retenu la recette du kouign-amann au blé noir, au sarrasin. Parce que j'adore le sarrasin. C'est une céréale. Enfin, si on peut parler de céréales, d'ailleurs, c'est pas tout à fait le cas d'une plante. Mais la graine d'une plante, mais c'est nutritionnellement absolument tout à fait recommandable. C'est très riche en protéines. Et surtout, ça a ce petit goût de noisette, un peu torréfié. Moi, je trouve que c'est une farine qu'on n'utilise pas assez. Et là, dans le kouign-amann, ça allège, ça rajoute un goût un peu pointu. C'est comme si on y mettait un peu de noisette. C'est vraiment chouette, cette recette. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est finalement assez simple. Bon, évidemment, pendant l'été, vaut mieux le manger à la fin de l'été qu'au début, question maillot. Là, on peut. Mais voilà, maintenant, c'est possible. Vous avez une bonne adresse d'un pâtissier, là, qui nous fait un kouign-amann? Alors lui, oui, c'était Luxe V à Quimper. Ah oui, ça, c'est incontournable. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que ça qui soit bon. Mais on a... on a les galettes de Pont-Aven aussi, qui sont pas loin. Enfin, il y a plein de bonnes choses. Ce qui est fascinant dans le kouign-amann, c'est l'art du pâtissier d'incorporer autant de beurre. Parce qu'on a l'impression que c'est trop par rapport à la capacité d'absorption de la farine. C'est jamais trop. C'est jamais trop. Mais c'est tellement bon. Ouais. Bon, ben voilà. C'est sublime. Voilà pour cette jolie découverte de cette région du nord-ouest de la France. Allez vous balader, il y a encore quelques jours de congé, après c'est la rentrée. C'est fini le plaisir. Bon. Hein. Voilà, merci en tout cas Julien Andrieux pour cette jolie balade. Et on vous retrouve évidemment dans votre ouvrage, Le Tour de France gourmand de Julie Andrieux, publié chez Alain Ducasse Édition. À la semaine prochaine, Julie. À la semaine prochaine. Les terrasses de l'été, de la gourmandise sous le soleil. Carlo. Oui, Sophie. En ce samedi 20 août, nous continuons notre escapade gourmande. Des vacances. Des vacances avec Monsieur Philippe Limbourg, des guides Gomillot. Bonjour, Sophie. Alors aujourd'hui, nous terminons ce road trip gourmand par Bruxelles. Oui. Bruxelles et ses belles terrasses. Bruxelles et ses belles terrasses, tout à fait. Il n'y a que l'embarras du choix, vous allez me dire. Je les citerai juste, mais bon, tout le monde sait que les toutes bonnes terrasses à Bruxelles, c'est évidemment Bonbon, Chez de la Forêt, la Villa Lorraine, qui ont tous les trois une très belle terrasse où on mange très très bien. On parle de jardin. Carrément. Voilà, carrément. Voilà, on est sur des gastronomiques. Hein. Oui, tout à fait. Un petit budget. Voilà, tout à fait. Et puis vous avez le Boucherie, par exemple, qui complète un petit peu aussi à sa manière, mais qui lui n'est ouvert que le soir, mais enfin, c'est vraiment... Un joli petit jardin aussi. Et puis on a des adresses qui sont un peu différentes, pour faire le lien avec toutes les terrasses que je vous ai données cet été. Une terrasse avec une plaine de jeux, eh bien, vous avez la brasserie de la patinoire, hein, les amateurs des jeux d'hiver connaissent. Oui. La patinoire, eh bien, ça a été réaménagé là, il y a maintenant 2 ans. Donc on est au bois de la Cambre. Oui, on est en plein bois de la Cambre, et donc là, c'est vraiment, vous mangez au milieu de la forêt. Avec et quoi, qualité, ça donne quoi? C'est une bonne brasserie, franchement. Ah ouais. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, j'avais plutôt non, ça va. Un petit a priori, mais peut-être mais, pas enfin, fondé. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, ça a changé de... Non ça, il y a 2 ans, oui. Ah oui, je ne suis pas allé depuis. Voilà. Non. Ouais. Okay. Franchement, on y retournera, voilà. on vous enverra une petite... Donc on est sur l'île, là, hein, l'île. Non, c'est Chalet-Robinson. D'accord. Quand vous rentrez du bois par l'avenue Louise, au milieu des deux pavillons d'Octroi, c'est tout de suite sur la gauche. Ah d'accord, et le Chalet-Robinson, ça donne quoi? Ils font des bonnes gaufres. D'accord, ok, voilà, on parle vrai dans Alors, cette émission. Hein. Sinon, okay. Maxime Collin, oui, ancien sûr. Chef de la Villa Lorraine, qui a oui. pris la table, qui s'appelle Maxime Collin, donc on est l'ancien haut de Pastorie, donc on a Krainem, dans cette vieille cure, en bordure d'un étang, dans le parc de Krainem. Ouais. On est dans le vert complet. Une terrasse, avenue Louise, que j'aime bien, c'est Rouge Tomate. Je t'interromps, Philippe, 2 secondes sur Philippe Collin. Maxime Collin. Maxime Collin, pardon. Oui. J'y suis allé la semaine de l'ouverture, et c'était déjà... Tip top quoi. Oui. Ce type vraiment. Mais il est rodé. Il a le sens du goût. Le goût qui te stimule la papille quoi. Ouais. Et alors, petit bémol quand même, il y a un petit peu de bruit parce qu'on n'est pas loin de l'autoroute, mais l'endroit est magnifique. Ouais. Maxime Collin à Krainem. Alors on parlait de terrasse un peu originale. Bon, ben Rouge Tomate, avenue Louise, où là effectivement. Cuisine santé là pour le coup. Non, c'est fini. Ah, oui, merci. Ils ont fini. Ils ont viré la diététicienne, tout. Voilà. Maintenant, on mange. Oui. C'est Alex Joseph, le chef. Oui. Et donc, toutes les histoires. Après, c'est pas pour ça que c'est pas santé, que c'est cuisine cancer. Mais c'est arrivé quand, cette histoire? Ça fait bien 2 ans. Ah. Oui. C'est pas pour ça que c'est cuisine accident cardiaque. Hein, mais oui. Ils se sont totalement libérés de cette tenaille de la cuisine santé. Et le chef Alex Joseph fait une cuisine fusion gourmande, avec très influencée par ses origines américaines. Voilà, mais c'est bien. Ben on va le faire venir, ce Alex, chef. Alex, ce type est sympa en diable. Oh, ben vous savez quoi, la saison gourmande reprend dès la semaine prochaine, on va essayer de le faire venir parmi nous. Ce sera une belle émission. Ah bah oui, chouette adresse. C'est une bonne idée. Et puis, très belle terrasse. Et alors, il faut savoir qu'il y a une petite table au sous-sol qui donne sur les cuisines. Donc c'est une table où 8 personnes, vous pouvez voir les chefs travailler, c'est assez sympa. Prenez, là. Oui. Bon, bah écoutez, ça c'est une bonne nouvelle, tiens. Oui, Alex Joseph, bon, alors il a les qualités de ses défauts, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients, c'est américain, mais américain dans le bon sens du terme, très créatif, c'est un jeune homme, il n'a pas 30 ans. Hein. Tout à fait. Et il est maintenant associé à la direction de la maison, et il est là depuis 7 ou 8 ans, et franchement, il fait de très belles choses, et surtout, c'est un cœur en or. Bon, bah dites, vous avez des actions là ou pas? Non, je suis tombé amoureux, mais sa femme est charmante. Une dernière petite adresse en 30 secondes, Philippe Limbourg. Mais si vous passez par le centre de Bruxelles, une terrasse qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même, c'est le passage évidemment, la taverne du passage, où vous mangez dans cette galerie qui est fabuleuse, rien que pour ça. Quoi, sinon, rue des Bouchers, tu vas pas ou quoi? Non. Voilà, non, mais c'est vrai, on a beaucoup décrié Bruxelles ces derniers mois avec le piétonnier, les tunnels, etc. Mais franchement, hein, on a aussi des pieds, c'est un truc de dingue, on peut marcher et même aller un peu déambuler. Parce que c'est vrai qu'à pied, on voit la ville autrement aussi. Hein, et surtout, je trouve que c'est le devoir de ceux qui vivent en Belgique d'aimer leur capitale. Exactement. Aimons notre ville, aimons notre pays et notre gastronomie. Voilà. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va prendre congé de vous, monsieur Philippe Limbourg. On vous retrouvera très certainement l'année prochaine pour d'autres aventures gourmandes, parce que samedi prochain, Carlo, c'est l'autre rentrée gourmande, parce que nous rempilons pour une saison. Ah, c'est le succès. Je remercie, on aura que du très très bon à vous proposer, donc les amis, rendez-vous semaine prochaine dès 11h sur La Première. Les infos, la météo, c'est toi à suivre, et puis il y aura un peu de bonne musique, rien que du très très bon sur La Première. Voilà les amis, soyez heureux gourmands et à la semaine prochaine. Ciao. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Touch me this, touch me that. Touch me everything I've got. And you touch me palm and me apple too. But here's one thing you just can't do. All you do is feel up, feel up. Ain't you tired of feel up, feel up? All you do is squeeze up, squeeze up. Mom, ain't you tired of squeeze up, squeeze up? Oh, mister, don't touch me tomatoes, please.

Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. La 2, en télé. Trou détective. Le shérif de Vermilion a demandé notre aide après avoir trouvé un corps dans un champ de canne à sucre. 30 ans d'enquête pour 4 soirées ténébreuses. Vous avez déjà vu un truc comme ça? Trou détective. Les deux premiers épisodes, dès ce lundi sur la 2. La météo. Cet après-midi, le ciel reste variable avec de belles éclaircies et de rares averses. Les températures proches de la moyenne affichent entre 22 et 23 degrés, mis à part au littoral et sur les hauteurs où le mercure ne dépasse pas 21 degrés. La première partie de nuit sera dégagée avec un vent qui se renforce à la côte. En milieu de nuit, le ciel se couvre et apporte des averses fréquentes et soutenues en Flandre et dans le centre. Demain matin, ciel très nuageux avec des averses et éventuellement un coup de tonnerre. Les températures situées entre 15 et 17 degrés. L'après-midi, le temps reste instable avec de possibles pluies, des températures trop fraîches pour la saison. Sur les hauteurs, le mercure affiche 15 degrés. Sur l'est et dans le centre, 18 à 19. Et c'est à la côte qu'il fera plus doux avec 20 degrés. Vabona, votre arme contre les insectes. La première. Il est midi. Marie Bourguignon avec vous, bonjour à tous. Le PS refuse de supprimer le plafond salarial des patrons d'entreprises publiques. Voilà qui fait suite à une déclaration de la NVA dans le quotidien flamand Het Nieuwsblad ce matin. Le parti nationaliste flamand estime que les patrons doivent être rémunérés sur base des résultats et que le gouvernement ne doit pas s'en mêler. Le président du Parti socialiste a donc réagi dans un communiqué marquant son opposition à cette proposition. De son côté, l'OpenVLD Alexander De Croo, ministre des entreprises publiques, a déjà fait savoir qu'il ne comptait pas annuler cette limitation. En 2014, le gouvernement avait décidé de limiter les rémunérations des patrons d'entreprises publiques cotées en bourse à 650 000 euros bruts par an. Les corps de 6 Belges pourraient être exhumés prochainement suite à une demande de la justice allemande. La justice enquête sur la mort de 69 personnes au total, tous des patients d'un homme appelé Klaus Ross, surnommé le guérisseur de cancer. La justice soupçonne sa thérapie anti-cancer d'être la cause de la mort de ces personnes. Il a utilisé des médicaments qui étaient encore en phase expérimentale. Le médecin n'a pas encore été interpellé, mais son centre du cancer a été fermé il y a 2 semaines. Déscolarisation de milliers d'enfants, manque de médicaments, de vaccins, arrivée de réfugiés restés bloqués. Les Nations Unies lancent un appel à l'aide pour la Libye. Hier, c'était la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est à cette occasion que l'ONU a rappelé que 2,5 millions de Libyens sont les victimes d'une crise humanitaire, une crise qui empire de jour en jour. Depuis 2011 et la chute de Muammar Kadhafi, le pays sombre dans le chaos. Le Parlement turc ratifie l'accord de normalisation des relations diplomatiques avec Israël. Voilà qui met un terme à une mésentente de 6 ans entre les deux anciens alliés régionaux. Cet accord de réconciliation avait été conclu fin juin. Israël versera près de 18 millions d'euros d'indemnité à la Turquie. En échange, Ankara abandonne ses poursuites contre des ex-chefs de l'armée israélienne, des hommes impliqués dans l'assaut d'un navire qui avait coûté la vie à 10 militants turcs. C'était en 2010 au large de Gaza. Merci de nous écouter. Très beau samedi. Et tout de suite, votre émission Autopsie. Chaque samedi midi, Arnaud Reussen décortique un fait d'actualité marquant de l'histoire récente de la Belgique. Aujourd'hui, il est question de l'abdication du roi Albert II et de la montée sur le trône de son fils Philippe. Cet été, la première prend l'air. Vendredi et samedi, escale à Chassepierre et son Festival international des arts de la rue. Vivez la fête des artistes avec Cédric Autier dans l'un des plus charmants villages de Wallonie. La première prend l'air, vendredi de 20h à 22h et samedi de 15h à 17h30 en direct de Chassepierre. Chez Cora, les petits prix ne sont jamais en vacances et surtout pas avant la rentrée. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Exhumer l'information. facile. Disséquer son contenu, creuser, investiguer, fouiller. Autopsie. Aujourd'hui, retour sur un jour historique pour la monarchie belge. C'était le 21 juillet 2013. Le roi Albert II abdiquait en faveur de son fils, Philippe. L'an 2013, le 21 juillet à 10h30. Albert II abdique en faveur de son fils, Philippe, après 20 ans de règne, submergé par l'émotion. Tout le monde semble très ému, donc, derrière cette table sur laquelle le roi va signer son abdication. Une page de l'histoire de la Belgique s'est tournée ce matin. Après 20 ans de règne, Albert II a officiellement abdiqué au profit de son fils, qui a prêté serment devant le Parlement fédéral. Sire, pendant 20 ans, vous avez entretenu cette confiance en vous montrant proche de tous, chaleureux et profondément humain, attentif, et engagé dans l'exercice de votre responsabilité de chef de l'État. Cette abdication, annoncée 15 jours plus tôt, était en fait le fruit d'un long